longue, je la manipule. Ma force, elle t'encule. Addict au merdique, verdict du DAC pour me mettre d'équerre. Tout est raide comme Paris-Dakar. Ça craint quand je crois plus à rien. En Afrique, ils sont heureux avec rien. Ici, on a tout le fric et on se dit en chien. En déchet, en déchir perpétuel. À l'heure actuelle, ma ruelle te tue, te tue, te tue. Ça craque dans les rues, du crack dans les rues. Les macs dans les rues, les stars dans les roues. Le cerveau a des trous, on veut tout sans rien faire du tout. La manipule, ma force, elle t'encule. Long, je la manipule, ma force, elle t'encule. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Combien de temps à douter, à brouter des minous. Écoutez, nous, y'a pas de monnaie, l'avenir est flou. Je raconte pas un clou à faire mon obsèque jusqu'aux obsèques, putain topless. Je veux chier dans ta place, la vie me laisse de glace, me lasse. Un petit feu, je me casse, un gros feu, je te relasse. C'est hardcore comme je suis connard. Un mort dans mon corps, le zombie marche. J'ai tort, mais je suis le plus fort, alors je t'arrache. On tourne en rond dehors et on se crache. Me dis pas que tu m'adores quand je me gâche. Gâchette, achète, sachet, raquette, croquette. Et le sablier plié, donne le pilier. Pâté grillé, viens pas piller. Long, je la manipule, ma force elle t'encule. Long, je la manipule, ma force elle t'encule. Ça ressemble au meilleur, pourtant c'est pire. Y'a pas moyen de fuir, obligé de subir, pris dans la spirale. On râle, mais ça mène à rien. On range le frein pour ne pas sortir les armes. On comprend plus bien comment lutter contre ces hommes organisés qui ont tout calculé. Ils nous divisent, nous désinforment, nous maintiennent dans la connerie, car c'est à leur avantage. Moi, ma rage, je l'utilise comme un sage. Et la pensée peut agir. Tout est vibration, haute molécule, énergie. J'ai le sentiment d'être plus puissant qu'une bombe nucléaire. Car depuis le temps que j'emmagasine le pouvoir, un jour ils vont se voir, savoir qu'on est des millions comme moi. Organiser, diriger nos pensées, nos idées contre eux. Pas de rancune négative, un juste retour que j'ose orchestrer, causer la catastrophe. C'est pour ça que j'apostrophe, que je joue le prof, pour t'apprendre que ta volonté, tes pensées, ta connaissance sont les armes absolues contre ces illuminés. Putain d'illuminati, je vais tous vous enculer. J'allume le feu qui brûlera Babylone. Change la matrice par le psychique, c'est le tricks de notre destiné, sur le point d'évoluer vers le meilleur, car le pire arrive à son apogée. Apocalypse Now. Le diable à ma porte, en personne n'ose se frotter à ma cohorte. Oh, je colporte le message, défonce tes portes, emporté par l'onde universelle qui me révèle l'envers du décor. La force du vent du nord, 5-6 en force, tout le monde me dit d'accord. Signe sans réclamer d'or, et ils en veulent encore. Alors je fais ça gratos, car le message est plus important que tes sexes que pesos. Rien à foutre gros, chose pour tout. Oh, oh, oh, oh, oh. Long, je la manipule, ma force elle t'encule. Long, je la manipule, ta force elle t'encule.